إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Donc on commence le cours 118 aujourd'hui dans Kitab al-Tawhid, le Sharh de Sheikh Saleh al-Fawzan, et on commence aujourd'hui le chapitre numéro 42. Le titre de ce chapitre c'est Babun Qawlullahi Ta'ala Fala Taj'alu Lillahi Amdadan Wa Antum Ta'alamun. C'est-à-dire, ne donnez pas à Allah subhanahu wa ta'ala des égaux, hein, des partenaires ou des égaux, alors que vous savez. Le Sheikh, il dit, Sheikh Saleh al-Fawzan, قال الشيخ رحمه الله باب قول الله تعالى أي ما جاء في تفسير هذه الآية من أقوال الصحابة والتفسير إنما يعرف من كلام الله فكلام الله يفسر بعضه بعضا أو يعرف من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم أو من كلام أصحابه أو من كلام التابعين الذين هم تلاميذ الصحابة هذه مصادر التفسير لا يفسر القرآن بالرأي لا يفسر القرآن بالرأي أو بكلام المتأخرين الذين لم يأخذوا عن الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يأخذوا عن أصحابه الذين أخذوا عنه لأن الله أنزل القرآن ووكل بيانه إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم من ربهم. Donc le Sheikh il commence à expliquer que ce chapitre c'est un tafsir de ce que Allah subhanahu wa ta'ala dit dans ce verset, فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ. Donc c'est un tafsir qui est basé sur les paroles des sahaba. Les paroles des sahaba. Puis le chef il explique que le tafsir, il y a une méthodologie que les ulama d'Ahl al-Sunnah wal Jama'a ils utilisent pour faire le tafsir du Coran. Ils n'interprètent pas le Coran de n'importe quelle façon. D'accord? Donc premièrement, c'est le tafsir du Coran par la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire, le Coran, il s'explique lui-même. Parce qu'il y a des versets qui expliquent d'autres versets. Donc, le Coran, il s'explique lui-même. Ou bien, on peut également comprendre le Coran et faire le tafsir du Coran par la parole du messager, sallallahu alayhi wa sallam, ou par la parole des compagnons du prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. Ça, on l'a expliqué plusieurs fois, mais le cheikh, il le répète encore une fois. Ou bien des paroles des tabi'in qui ont été les élèves des sahaba, d'accord? Parce que bien entendu, ceux qui étaient, les sahaba étaient témoins de la révélation, ils ont été avec le messager sallallahu alayhi wa sallam, éduqués par le messager sallallahu alayhi wa sallam, chaque fois qu'ils avaient une question ou quelque chose qu'ils ne comprenaient pas dans la religion, ils allaient directement demander au messager sallallahu alayhi wa sallam, puis ensuite il y a les tabi'in qui ont étudié avec ces sahaba. Donc eux aussi ils ont une connaissance et une compréhension très grande du Coran puisqu'ils ont appris avec ceux qui ont été témoins de la révélation, d'accord. Et donc ça c'est les références dans le tafsir. On n'a pas le droit de faire le tafsir selon notre opinion, tafsir ou birra'i, comme il y a des gens qui font le tafsir birra'i, ils interprètent le Coran selon leurs opinions personnelles ou selon leur, ce qu'ils appellent la raison, hein, comme les gens de Bid'a. Et il y a également, on n'a pas le droit de faire le tafsir par les paroles des gens qui sont venus après, hein, les gens qui ont pris du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et qui n'ont pas pris des sahaba, hein, de la même source que d'où ont pris les sahaba, leur tafsir du Coran. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala, il n'a pas seulement révélé aux prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam la récitation du Coran, comment le réciter, comment le prononcer, mais il a également révélé au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam la signification de ces versets-là et de ces paroles-là. Et Allah subhanahu wa ta'ala a donné au messager Mohammed sallallahu alayhi wa sallam la charge de l'expliquer ce Coran. Hein, parce que Allah subhanahu wa ta'ala dit وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ. Donc ça c'est le verset 44 dans sourate Al-Nahl, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit nous avons fait descendre sur toi le zikr pour que tu puisses expliquer aux hommes qu'est-ce qui a été révélé pour eux. Hein, et le zikr c'est bien entendu le Coran. Et ensuite, ou bien il y en a qui disent que c'est la sunna aussi. On a fait descendre sur toi la sunna pour expliquer aux gens qu'est-ce qui a été révélé sur eux du Coran. Donc ça c'est une autre explication aussi. Et le cheikh il dit فالمصدر في تفسير القرآن كما ذكره العلماء خمسة أشياء. المصدر الأول تفسير القرآن بالقرآن لأن القرآن يفسر بعضه بعضا. والمصدر الثاني تفسير القرآن بكلام الرسول صلى الله عليه وسلم لأنه هو المبين. والمصدر الثالث تفسير القرآن بتفسير الصحابة لأنهم تلاميذ الرسول صلى الله عليه وسلم. والمصدر الرابع عند بعض العلماء تفسير القرآن بأقوال التابعين لأنهم أخذوا عن الصحابة وهم أدرى بمعاني القرآن الكريم من غيرهم. والمصدر الخامس تفسيره بمقتضى اللغة العربية لأنه نزل بها. نعم. Donc le cheikh il fait un résumé encore, il dit que les références pour le tafsir du Coran sont de 5, comme les ulama les ont mentionnées. La première référence c'est le tafsir du Coran par le Coran, parce qu'il s'explique lui-même. Le deuxième c'est le tafsir du Coran par la parole des sahaba, par la parole du messager Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire par la sunna. Le troisième c'est le tafsir du Coran par les paroles des sahaba, parce que ce sont les élèves. Ce sont les élèves du messager Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Le troisième, ou la troisième référence, c'est, selon certains ulama, c'est la parole des tabi'in, des élèves des sahaba. Parce que eux, ils ont pris directement des sahaba. Et eux, ils ont une meilleure compréhension des significations du Coran al-Karim que par rapport aux autres qui sont venus par la suite. Hein. Et la cinquième référence, c'est le tafsir du Coran selon ce que signifie l'essence de la langue arabe classique. Hein, l'essence de la langue arabe classique, parce que le Coran a été révélé et il est descendu dans la langue arabe classique. D'accord? Et donc, ça c'est la méthodologie que les ulama d'Ahl-Sunnah wal Jama'a ont suivi tout le temps pour interpréter le Coran. Et si vous retournez dans les livres de tafsir qui ont été écrits par les ulama, comme Ibn Kathir, ou bien tafsir Ibn Jarir, Tabari, ou bien tafsir Al-Qurtubi, vous voyez que ça c'est une méthodologie que les ulama ont suivi tout le temps. Ils commencent par expliquer qu'est-ce qui a été rapporté dans le Coran par rapport à ce verset-là. Ensuite, ils vont mentionner des hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour expliquer la signification de ce verset. Et ensuite, ils vont par exemple mentionner s'il y a des athars, des sahaba ou des tabi'in, ils vont les mentionner. Puis ensuite, ils vont donner une explication générale. Et s'il y a des différences d'opinion entre les ulama au sujet de certains versets, bon, ils vont clarifier la divergence et pourquoi, etc. Donc, ça c'est pour expliquer leur méthodologie. Contrairement aux modernistes aujourd'hui, qui essaient de dire qu'ils prennent comme référence pour faire le tafsir leur raison. Et ils regardent par exemple les idéologies ou la mentalité des occidentaux ou des koufars, et ils disent bon, tout ce qui est dans le Coran on va l'interpréter selon notre logique ou bien selon qu'est-ce que les koufars ont établi comme système aujourd'hui, puis tout ce qui est contradictoire avec les valeurs de la société occidentale aujourd'hui, on va le déformer, on va changer sa signification pour que ce soit en accord avec ce que la société croit aujourd'hui. Et ça, c'est une des méthodologies des gens qui ont dévié de la voie d'Ahl-Sunnah wal Jama'a. Et on a parlé déjà dans le cours passé, des exemples des tafsirs des gens de Bid'a, comme les tafsirs des Soufiyas, les tafsirs des Mu'tazila, les tafsirs des autres firaqs qui ont dévié de la voie droite. Et donc, ça c'est juste pour vous faire comprendre qu'il y a une différence entre leur façon de faire tafsir à eux, puis la façon de faire tafsir selon la voie d'Ahl-Sunnah wa Jama'ah. D'accord? Et c'est ça qui fait en sorte que quelqu'un reste sur une bonne compréhension de la révélation, s'il reste sur cette méthodologie-là. فلهذا تجدون المصنف في هذا الباب وفي غيره يسوق في تفسيره في تفسير الآيات كلام الصحابة أو كلام التابعين لأنها من مصادر التفسير قوله فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون هذا آخر آية من سورة البقرة وأولها قوله تعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون يعني كم par coïncidence c'est les mêmes versets que qu'est-ce que le frère a récité en sourate dans la sourate de Fajr ce matin. Le cheikh il dit donc que on retrouve dans Kitab al-Tawhid que l'imam Muhammad ibn Abdul Wahhab, quand il mentionne un verset, yani, il va mentionner les paroles des tabi'in ou les paroles des sahaba qui expliquent ce verset. Et le cheikh il dit que ça c'est sa méthodologie qu'il suit. Pourquoi? Parce que c'est une des méthodologies parmi les références de, qui sont une, c'est-à-dire les paroles des sahaba et des tabi'in, c'est une des références parmi les références du tafsir. Puis ensuite, il commence à expliquer le verset, et il dit que « فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ » C'est, disons, yani, c'est pas, il dit que c'est le dernier verset dans Surat al-Baqarah, mais en fait, qu'est-ce qu'il veut dire? C'est pas que c'est le dernier verset, c'est qu'il y a une série de versets au début de Surat al-Baqarah qui traite, disons, d'un sujet, puis ça c'est le dernier d'entre ces versets-là qui parle de ce sujet-là. C'est-à-dire, comme le chef il va l'expliquer, que les croyants sont divisés en, ou les, pas les, les croyants, la, l'attitude des êtres humains vis-à-vis du Coran, hein, les êtres humains sont divisés en trois catégories par rapport à leur attitude envers le Coran. Puis on va voir c'est quoi ces différentes attitudes-là. Et le chef il dit quoi? Il dit que, au début, ça commence par, Ya ayyuhanna sur'budu rabbakum. Il dit, ô vous les hommes, adorez votre Créateur, votre Seigneur, celui qui vous a créé et qui a créé ceux qui étaient là avant vous pour que vous puissiez atteindre, pour que vous puissiez atteindre at-taqwa, c'est-à-dire d'avoir la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Celui qui a fait pour vous de la terre comme un tapis et du ciel comme un toit, hein, comme une construction, et qui a fait tomber sur vous de la pluie du ciel et a fait sortir pour vous des fruits de la terre comme une subsistance pour vous. Alors ne mettez pas avec Allah subhanahu wa ta'ala des égaux alors que vous savez. Ça c'est le verset 21 et 22 dans Surat al-Baqarah. Le Cheikh il dit قال العلماء هذا أول نداء في المصحف الشريف يا أيها الناس اعبدوا ربكم لأن الله ذكر في مطلع هذه السورة انقسام الناس أمام القرآن الكريم إلى ثلاثة أقسام. Le Cheikh il dit que les ulama ont dit que cet appel-là, quand vous lisez « Ya Yuhannas, abudu rabbakum », c'est le premier appel qu'on retrouve dans le Coran. C'est-à-dire, si tu commences à partir de Surat al-Fatiha, puis tu commences al-Baqara en ordre, tu vois que le premier verset où Allah s'adresse directement aux hommes, en disant « Ya Ayu, Ya Yuhannas » ou bien « hein », c'est ce verset-là. Et c'est la première, le premier ordre dans le Coran d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Donc le Cheikh il dit, que au début de ce verset-là, Allah subhanahu wa ta'ala il dit, ou bien Allah subhanahu wa ta'ala il divise les hommes en trois catégories par rapport à leur attitude ou leur position envers le Coran. القسم الأول الذين آمنوا بالقرآن ظاهرا وباطنا وهم المتقون المذكورون في قوله تعالى هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب إلى قوله أولئك على هدى من ربهم والقسم الثاني الذين كفروا بالقرآن ظاهرا وباطنا وهم المذكورون في قوله تعالى إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم والصنف الثالث الذين آمنوا بالقرآن ظاهرا وكفروا به باطنا وهم المنافقون وهم شر من الكفار الذين كفروا بالقرآن ظاهرا وباطنا ولهذا أنزل الله فيهم بضع وعشر آية بينما ذكر في الكفار آيتين لأنهم أخطر من الكفار وذلك في قوله تعالى ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون إلى قوله تعالى ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير هذه الآيات كلها في المنافقين وهم الصنف الثالث donc le cheikh il énumère les trois catégories et puis il explique leur position il dit que la première catégorie c'est ceux qui ont cru au Coran extérieurement et intérieurement en apparence et dans leur cœur d'accord Et ce sont ceux qui ont eu la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala, ce sont les muttaqoun. Et ça c'est expliqué dans le début du verset, quand Allah subhanahu wa ta'ala il dit « Hudan lil muttaqin »« Alladhina yu'minuna bil ghaib » c'est-à-dire une guidance pour les pieux, ceux qui ont, qui ont cru en l'invisible, et ça termine avec le verset « Ulaika ala hudan min rabbihim » ceux-là sont ceux qui sont sur une guidance de leur Seigneur, وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ Et ceux-là sont ceux qui ont le succès. Donc ça c'est cinq versets qui commencent par la description des croyants, des vrais croyants, ceux qui ont cru intérieurement et extérieurement, en apparence et à l'intérieur dans leur cœur. La deuxième catégorie ce sont les kuffars, ceux qui ont mécru, qui ont rejeté le Coran, extérieurement et intérieurement. Et ceux-là c'est ceux qui sont mentionnés dans les deux versets qui suivent, le verset 6 et 7 dans Surat al-Baqarah, et Allah subhanahu wa ta'ala il dit au sujet de cette catégorie-là, et ceux qui ont mécru, c'est égal pour eux que tu les avertisses ou que tu ne les avertisses pas, ils ne croiront pas. Hein? Allah a scellé leur cœur, il a mis un sceau sur leur cœur et sur leurs oreilles, c'est-à-dire sur leurs oui, ils n'entendent pas la vérité, et sur leurs yeux, Allah subhanahu wa ta'ala a mis un voile, hein, et ils auront un dur châtiment. Ça c'est les kuffars qui sont déclarés, hein, ils le disent ouvertement, ils ne le cachent pas. Ensuite il y a une troisième catégorie, ce sont ceux qui ont cru en apparence, mais dans leur cœur ils ont rejeté la foi, ils n'y croient pas, ils ne croient pas au Coran. Donc ceux-là c'est ceux qu'on appelle al-munafiqoun, c'est ceux qui ne croient pas réellement au Coran, mais ils font semblant d'être des mu'minés, ils font semblant d'être des croyants. Et ceux-là sont pires que les kuffars qui sont ouvertement mécréants, ils sont plus dangereux et sont pires que les kuffars qui déclarent leur mécréance. Hein? Parce que, bien entendu, leur danger c'est parce qu'ils se mélangent avec les croyants et ils font croire qu'ils sont croyants eux aussi, et ils utilisent ça justement, la confiance que les croyants ont envers eux, pour faire du désordre parmi les croyants, puis faire de la corruption, puis diviser les croyants. Donc le cheikh, il mentionne les versets justement qui parlent de cette catégorie-là, c'est-à-dire à partir du verset qui suit, le verset 8 jusqu'à le verset 20, on voit que Allah les décrit, et on voit que Allah subhanahu wa ta'ala dans ce verset-là, il a mentionné des descriptions des munafiqins beaucoup plus élaboré et détaillé que pour les deux premières catégories. Hein? Donc ça montre qu'ils sont plus dangereux, puisque la description est beaucoup plus détaillée que pour les autres. Donc le cheikh il dit que, justement, ils ont mécru au Coran dans leur cœur, même si en apparence on pensait que ce sont des croyants. Et Allah il dit, et parmi les hommes il y en a qui disent nous croyons en Allah et au jour dernier, mais ils ne sont pas réellement des croyants. Ils cherchent à tromper Allah et ceux qui ont cru, mais ils ne trompent qu'eux-mêmes en réalité, mais ils ne s'en aperçoivent pas. Dans leur cœur, il y a une maladie, et Allah subhanahu wa ta'ala a augmenté cette maladie, c'est-à-dire l'hypocrisie, al-nifaq. وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ, c'est-à-dire ils auront un dur châtiment, un châtiment douloureux, parce qu'ils ont traité la vérité de mensonge dans leur cœur. Et lorsqu'on leur dit, ne faites pas de désordre sur la terre, ils disent, nous ne sommes que des réformateurs. Et certes, ce sont eux les gens qui font le désordre sur la terre, mais ils ne s'en aperçoivent pas. Et lorsqu'on leur dit, croyez comme les restes des gens ont cru, c'est-à-dire croyez comme les autres croyants ont cru, ils disent, est-ce que nous on va croire comme les faibles esprits ont cru? Est-ce que nous on va accepter de croire à la même chose que croient les faibles esprits? Alors que Allah il dit, alors que ce sont eux les faibles esprits, mais ils ne savent pas. Et ensuite, ça continue jusqu'à ce que Allah subhanahu wa ta'ala dise, et si Allah aurait voulu, il aurait fait partir leur oui et leur vue, et Allah subhanahu wa ta'ala a certes le pouvoir sur toutes choses. Donc ça c'est les versets qui parlent des munafiqin, et ça c'est la troisième catégorie. Ensuite le shaykh il dit, ثم قال بعد ذلك يا أيها الناس نادى الناس جميعا المؤمن والكافر العربي والعجمي ناداهم جميعا وأمرهم بعبادته فهذا دليل على عموم رسالة محمد صلى الله عليه وسلم وأنه بعث إلى الناس كافة كما قال تعالى قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض وقال تعالى تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا ووصف القرآن بأنه هدى للناس وأنه هدى للعالمين فرسالته صلى الله عليه وسلم عامة لجميع الثقلين. Donc le cheikh il dit que Allah subhanahu wa ta'ala juste après ça il commence, il appelle les hommes, il s'adresse à tous les hommes sans exception, le croyant, les croyants et les non-croyants, il s'adresse à eux, et les arabes et les non-arabes, il les appelle tous et il ordonne à tous les hommes d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala, hein, les hommes et les femmes, les arabes et les non-arabes, les djinns et les djinns aussi, tous les créateurs, les êtres humains et les djinns, ils les appellent à adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça c'est la preuve que le message du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, c'est un message qui est universel, qui est dirigé à tous les hommes, et qu'il a été envoyé à tous les hommes. Comme Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans le verset 158 dans surat al-A'raf, dit « Ô vous les hommes, je suis un messager pour vous tous de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala, celui qui a créé ou celui qui possède les cieux et la terre. » Et il mentionne le verset 1 dans surat al-Furqan, « Louange ou bien que béni soit celui qui a fait descendre ou qui a révélé le Furqan. » Le Furqan c'est le Coran, on l'appelle le Furqan parce que c'est un discernement. C'est qu'est-ce qui fait distinguer entre la vérité et le mensonge. Il l'a envoyé avec le Furqan pour qu'il soit un avertisseur pour les mondes. Donc, pour les mondes, ça implique tous les êtres humains, tous les créatures. Et donc, Allah subhanahu wa ta'ala, il décrit le Coran comme étant une guidance pour les hommes et comme étant une guidance pour les univers, pour les mondes. Et donc son message, il est un message général et universel pour tout le monde, les djinns et les hommes. Ensuite le shaykh il dit « وَقَوْلُهُ تَعَلَىٰ أُعْبُدُ رَبَّكُمْ هَذَا أَمْرٌ مِّنَ اللَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَلَىٰ بِعِبَادَتِهِ وَحْدَهُ لَا شَرِكَ لَهُ وَتَرْكُ عِبَادَتِ مَا سِوَاهُ » Donc Allah subhanahu wa ta'ala dit ensuite « Adorez votre Seigneur, votre Créateur, Rabbakum. » Donc ça c'est un ordre de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala pour qu'on l'adore lui seul et qu'on abandonne tout ce qui est adoré en dehors de lui. Et pour qu'on sache qu'il n'a pas de partenaire dans l'adoration, on n'a pas le droit de vouer un culte à autre que lui. ومعنى اعبدوا ربكم وحدوا ربكم وافردوه بالعباده لان العرب في وقت نزول القران كثير منهم يعبدون الله ولكنهم مع غيره يعبدون ولكنهم معه غيره يعبدون معه غيره. فإذا كانت العبادة غير خالصة لله فإنها تكون عبادة باطلة ولهذا أمرهم أن يفردوه بالعبادة ويخلصوا له العبادة. Donc le cheikh il dit que ça signifie quoi? Ça signifie que Allah subhanahu wa ta'ala nous demande d'unifier notre Seigneur. Quand Allah subhanahu wa ta'ala dit "U'budu rabbakum", ça ne veut pas juste dire adorer votre Seigneur, mais ça veut dire adorez-le lui seul. Adorer uniquement Allah subhanahu wa ta'ala. Et la preuve de ça, c'est que les Arabes, à l'époque que le Coran est descendu, les Arabes adoraient Allah déjà. Il y a beaucoup de gens qui pensent que les Arabes, ils n'adoraient pas Allah du tout. Ils croient qu'ils adoraient uniquement les idoles. Et ça, c'est pas correct de penser ça. Parce que les Arabes, ils adoraient, non seulement ils adoraient les idoles, mais ils adoraient Allah aussi, en même temps. D'accord? Et Allah subhanahu wa ta'ala, quand il a amené le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il a dit au prophète Muhammad, il a ordonné au prophète sallallahu alayhi wa sallam d'appeler ces gens-là, de continuer à adorer Allah subhanahu wa ta'ala, mais d'arrêter d'adorer les autres qu'ils ont inventés, hein, les fausses divinités qu'ils ont ajoutées dans leur adoration, hein, et les idoles. Parce qu'ils les prenaient comme des intermédiaires et des intercesseurs dans leurs adorations entre eux et Allah subhanahu wa ta'ala. Ils pensaient que ça les rapprochait d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, le cheikh, il dit, donc, que leur adoration, hein, elle n'était pas pure pour Allah subhanahu wa ta'ala, elle n'était pas uniquement sincère pour Allah subhanahu wa ta'ala. C'était donc une adoration qui était batila, c'est-à-dire qui était vaine, qui était sans aucune valeur. D'accord? C'est pour ça que Allah subhanahu wa ta'ala leur a ordonné d'adorer Allah seul et de rendre leur adoration exclusivement pour Allah subhanahu wa ta'ala. ثم ذكر الدليل على وجوب عبادة الله تعالى. كم الفرير يسوع ما شاء الله. après la prière d'Isha il a expliqué que notre da'wa ça doit être basé sur le tawhid. Et donc ça c'est le plus important dans notre religion. Et c'est triste, comme le cheikh il va le dire plus tard, c'est triste de voir que beaucoup de gens ont négligé cet aspect-là de la religion musulmane, alors que c'est le fondement et le plus fondamental dans notre religion. Donc le cheikh dit « ثم ذكر الدليل على وجوب عبادة الله تعالى فقال الذي خلقكم لأن العبادة لا تصلح إلا أو لا تصلح إلا للخالق سبحانه وتعالى فالذي لا يخلق لا يصح أن يعبد وهذا فيه إبطال عبادة الأصنام وعبادة الأولياء والصالحين وعبادة الأشجار والأحجار لأنها لا تقدر على الخلق وما لا يقدر على الخلق لا يصح أن يعبد ولهذا قال في سورة الحج يا أيها الناس ضرب لكم مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لا لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له الخالق هو الذي يستحق العبادة وهم لا يجحدون هذا بل يقرون بأن الله هو الذي خلق ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله. Donc le cheikh il dit que ça c'est par la suite après que Allah subhanahu wa ta'ala ait dit adorez votre Seigneur, hein, Allah subhanahu wa ta'ala il a donné l'ordre. Juste après, il donne la preuve de cette adoration-là, pourquoi elle doit être uniquement pour Allah. Et la preuve, c'est que Allah, il dit, « Alladhi khalaqakum », c'est-à-dire, c'est lui qui vous a créé. Ok? Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'adoration, on ne peut pas la donner excepté à celui qui nous a créé, Al-Khaliq. Et qu'on n'a pas le droit de vouer notre adoration excepté à celui qui a créé toute chose. Celui qui n'a pas rien créé, il ne mérite pas d'être adoré, c'est ça que ça veut dire. Et donc ça vient pour montrer la fausseté et ça vient montrer la fausseté de l'adoration des idoles et de l'adoration des awliya, salihin, les hommes pieux, les saints, hein, les hommes vertueux qui ont fait du bien. On n'a pas le droit non plus de les adorer. On n'a pas le droit non plus d'adorer les arbres. On n'a pas le droit d'adorer non plus les pierres, les roches. Hein. comme les gens qui font des statues avec des troncs d'arbres ou bien avec du bois, ils font des statues en bois, ils font des statues en pierre, et ils les adorent en dehors d'Allah, ils les prennent comme intercesseurs entre eux et Allah subhanahu wa ta'ala pour représenter leurs hommes pieux ou leurs saints. Hein? Donc, ils ne sont pas capables, ces créatures-là, ils ne sont pas capables de créer quoi que ce soit. Et du moment qu'elles ne peuvent pas créer quoi que ce soit, elles ne méritent pas d'être adorées. Elles ne méritent pas d'être adorées. Donc, n'importe qui que vous pouvez rencontrer et que vous voyez qu'il est en train d'adorer quelque chose en dehors d'Allah ou quelque chose avec Allah subhanahu wa ta'ala, ou de prendre des intermédiaires et des intercesseurs entre lui et Allah, demandez-lui, est-ce qu'ils sont capables de créer? Et bien entendu, ils ne sont pas capables de vous répondre positivement parce que c'est clair qu'ils savent aussi qu'ils ne peuvent pas créer ces choses-là. Et c'est pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans Surat al-Hajj, le verset 73, « Ô vous les hommes, un exemple ou une parabole vous est donnée. » Alors écoutez-la, ceux que vous invoquez en dehors d'Allah ne peuvent même pas créer une mouche ou un moustique, hein, même s'ils se réunissaient tous ensemble pour le faire. D'accord? Donc ça c'est la preuve que le seul qui mérite d'être adoré c'est le Créateur, Allah subhanahu wa ta'ala. Et même les mouchriquins à l'époque, ils ne niaient pas ça. C'est-à-dire, ils savaient ça. Les idolâtres, les gens de Quraysh, qui adoraient les idoles, ils ne niaient pas que c'était Allah subhanahu wa ta'ala, le seul créateur. Et la preuve de ça, c'est le verset, un verset qui dit, par exemple, dans Surat al-Zukhruf, et si tu leur demandais qui les a créés, ils diraient Allah. Si tu demandes aux Arabes qui adoraient les idoles à la Mecque au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui est-ce qui nous a créés? Ils vont dire c'est Allah qui nous a créés. Mais malgré tout, ils adoraient d'autres avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est pour ça qu'Allah les a appelés les mushrikoun. Après le Cheikh il dit لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ إِذَا ذَكَرْتُمْ بِأَنَّهُ هُوَ الْخَالِقُ لَكُمْ وَلِمَنْ قَبْلَكُمْ لعل تذكركم لذلك وهذا يبعثكم على تقوى الله سبحانه وتعالى فتعبدونه وتتقون عذابه لأنه لا يقي من عذاب الله إلا عبادة الله سبحانه وتعالى فهو الذي خلقكم وخلق لكم المصالح التي تستعينون بها على عبادته سبحانه وتعالى خلقكم وخلق لكم هذه الأشياء لستم أنتم خلقتم لأنفسكم شيئا ولستم الذين أنبتتم الزرع ولستم الذين أنزلتم المطر ولستم الذين خلقتم الأرض وجعلتموها صالحة للنبات والإنبات ولستم الذين خلقتم السماء وجعلتموها سقفا للعالم وفيها مصالح العباد. Donc le Cheikh il dit que Allah il dit par la suite dans le verset لعلكم تتقون, c'est-à-dire pour que vous puissiez atteindre التقوى, c'est-à-dire avoir la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala, vous écarter de ce qu'il vous a interdit et faire ce qu'il vous ordonne. Et ça c'est parce que Allah subhanahu wa ta'ala, étant donné que vous allez vous souvenir que c'est lui le créateur, et qu'il vous a créé vous et ceux qui étaient là avant vous, eh bien ça peut vous rappeler également que vous devez le craindre et que vous devez avoir attaqwa, faire ce qu'il vous ordonne et vous écarter de ce qu'il vous interdit, et ça va vous pousser à l'adorer, hein, par crainte de son châtiment, parce qu'il n'y a rien qui est capable de vous protéger du châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala excepté l'adoration. Vous voulez vous protéger du châtiment d'Allah, adorer Allah subhanahu wa ta'ala lui seul. C'est la seule protection que vous pouvez avoir contre son châtiment. Et le Cheikh il dit donc, c'est lui Allah subhanahu wa ta'ala qui vous a créé, et il a créé, non seulement il vous a créé, mais il a créé pour vous tous les biens qui sont sur la terre, pour que vous puissiez vous aider par ces choses-là à adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Donc il vous a créé, et il a créé pour vous toutes ces choses qui existent sur la terre, hein, et c'est pas vous qui avez créé ces choses-là pour vous-même. Hein. Par exemple, le Cheikh il dit, est-ce que c'est vous qui, vous n'avez pas fait pousser les plantes pour vous-même et les légumes hein, et les fruits. Et c'est pas vous qui avez fait descendre la pluie du ciel. Et c'est pas vous non plus qui avez créé la terre et qui avez fait pousser sur cette terre tous les fruits et les légumes que vous avez besoin. Tout ça, ces choses-là sont là, c'est Allah qui les a créés pour vous. Hein. Donc les gens qui veulent, par exemple, nier yani, l'existence d'Allah, ou nier les grâces d'Allah, et bien posez-leur ces questions-là. Est-ce que c'est vous qui avez fait tomber la pluie? Est-ce que c'est vous qui avez fait pousser les plantes? Est-ce que c'est vous qui avez fait la terre? Est-ce que vous avez créé vous-même la terre? Non. Alors, il faut reconnaître que Allah, c'est lui le créateur, et il faut reconnaître que vous devez l'adorer. D'accord? Donc, et c'est pas vous qui avez créé le ciel avec les nuages et tout ce qu'il y a de bon pour les créatures. Ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, Alladhi khalaqa lakum al-arda firashan. Tajlisuna alayha wa tan'amuna alayha wa ta'ishuna ala zahriha wa tudfanuna fi batniha idha muttum wa tub'athuna minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha نخرجكم تارة أخرى ألم نجعل الأرض مهادا ثم يعني هذه الأرض الواسعة أثبتها الله وأرساها بالجبال الرواسي من أجل أن لا تميد بالناس وتضطرب. Donc le Cheikh dit, c'est lui également qui a créé pour vous la terre comme un tapis, c'est-à-dire que vous vous asseyez sur elle et vous dormez dessus et vous vivez sur son dos, hein, et également vous serez enterré dedans lorsque vous allez être mort, hein, et vous allez être sorti et ressuscité de cette terre également, yani au jugement dernier, comme Allah il dit dans Surah 55, non, ça c'est dans le verset 55 dans Surah Taha, hein, منها خلقناكم وفيها نعيدكم منها ومنها نخرجكم تارة أخرى. C'est-à-dire, on l'a expliqué, et ensuite il mentionne le verset 6 dans sourate An-Naba, ألم نجعل الأرض مهادا, n'avons-nous pas fait de la terre comme un berceau pour vous, hein? Donc le cheikh il dit, cette terre qui est vaste, et Allah subhanahu wa ta'ala il l'a établi et raffermi pour vous en mettant dessus des montagnes qui sont énormes et qui retiennent la terre justement pour l'empêcher de secouer sur vous et de trembler. Donc pour que vous puissiez vivre paisiblement sur cette terre. Hein. Et le cheikh dit ensuite, وَالسَّمَاءَ بِنَاءً يَعْنِي سَقَفًا لِأَنَّ السَّمَاءَ فوق الأرض وجعل الله فوق فيها الكواكب والشمس والقمر التي بها مصالح العباد وحفظها من الشياطين. ولهذا قال تعالى وجعلنا الشمس وجعلنا السماء سقفا محفوظا. Donc le cheikh dit que le ciel Allah l'a créé comme un toit sur nos têtes, et il a mis ce ciel au-dessus de la terre, et il a fait dans ce ciel des étoiles, des astres, le soleil et la lune. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Et il y a des bienfaits dans ce ciel qu'il a créé, que c'est un embellissement pour les cieux et également une protection contre les diables lorsqu'ils viennent pour voler des informations dans le ciel. Et donc Allah subhanahu wa ta'ala il dit et qu'il a fait du ciel un toit préservé, hein, il l'a préservé. Et ensuite le cheikh il dit, وأنزل من السماء ماء وهو المطر والسماء هو السحاب لأن السماء على قسمين السماء بمعنى العلو والارتفاع فكل ما علا وارتفع يقال له سماء. Donc le cheikh il dit qu'il a fait descendre des cieux une eau, c'est-à-dire la pluie. Et ici, As-Sama, quand on dit le ciel, en principe, en particulier, c'est les nuages. Parce que bien entendu, Allah fait tomber la pluie des nuages, et non pas du ciel comme ça. C'est pour ça que les ulama ils disent que quand on dit sama en arabe, c'est ça peut vouloir dire deux choses. Soit ça peut vouloir dire qu'est-ce qui est au-dessus de nous, qu'est-ce qui est en haut, qu'est-ce qui est en haut, qu'est-ce qui est au-dessus. Et également, ça peut vouloir dire les cieux qui sont construits en sept étages au-dessus de nos têtes, c'est-à-dire les sept cieux. فأخرج به يعني بهذا المطر من الثمرات رزقا لكم وهذا المطر ماء واحد ومع هذا يخرج الله به ثمرات مختلفة ومتنوعة عليكم السلام ورحمة الله والتربة واحدة ومع هذا يخرج في هذه التربة ومن هذا الماء أصنافا من الثمرات مختلفة الطعام الطعوم ومختلفة الألوان ومختلفة الروائح ومن من الذي نظم هذا التنظيم هو الله سبحانه وتعالى. الشيخ يقول regardez que Allah سبحانه وتعالى dit qu'il fait tomber la pluie puis de cette pluie il fait sortir les fruits et les légumes et les plantes. Donc cette eau c'est une seule eau H2O et Allah subhanahu wa ta'ala fait sortir avec par cette eau des fruits différents et d'une seule terre également. Il fait sortir différentes catégories de fruits avec des goûts différents, avec des couleurs différentes, avec des odeurs différentes. Donc c'est une seule eau, une seule terre, mais des fruits différents, des goûts différents, des odeurs différentes. Qui est-ce qui a organisé ça comme ça et qui a déterminé ces choses-là? C'est Allah subhanahu wa ta'ala. Sinon, il n'y aurait qu'un seul fruit, une seule saveur, un seul goût, une seule odeur. Mais non, Allah subhanahu wa ta'ala, il a fait plein de sortes, plein de couleurs, plein de goûts, plein de sortes différentes. Et malgré que ça vient d'une seule eau et d'une seule terre. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il a diversifié les sortes de fruits et de légumes pour qu'on puisse justement avoir différentes choses à manger. رزقا لكم تأكلون منه قوتا تتفكهون به فواكه متنوعة. من الذي أوجد هذه الأشياء؟ بل إن الجنس الواحد تحته أنواع لا يعلم حصرها إلا الله سبحانه وتعالى. الشيخ دي لا في de ces fruits de ces légumes là des subsistances pour vous en mangez et vous les prenez comme des fruits différents. Et il dit, qui a créé ces choses-là et qui a fait ça pour vous? C'est Allah subhanahu wa ta'ala. Il dit, même dans une catégorie de fruits parfois, une catégorie de fruits, tu retrouves plein de sortes différentes de ce même fruit-là, subhanallah, avec des goûts différents. Regardez les pommes par exemple, il y a plein de catégories de pommes, des pommes vertes, des pommes rouges, des pommes jaunes, des pommes Macintosh, toutes sortes de bonbons, des différentes sortes. Les mangues, il y a différentes sortes de mangues, il y a différentes sortes de, il y a plein d'autres de fruits qui ont des sortes différentes. Et même, le cheikh il dit, on n'est même pas capable de les compter ou de les limiter tellement qu'elles sont nombreuses les sortes des fois. Des fois dans un pays il y a une sorte, dans d'autres pays tu vois des sortes que tu ne connaissais même pas, que tu savais même pas que ça existait. Et parfois même, il y a des nouvelles sortes qui apparaissent qu'on ne connaissait pas. Donc ça c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui dit ça. فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ. Alors ne donnez pas à Allah des égaux et des partenaires alors que vous savez. هذا نهي من الله سبحانه وتعالى عن الشرك بعد الأمر بالتوحيد والأنداد جمع ند والمراد به المثيل والشبيه والنظير أي فلا تجعل لله نظراء وأمثالا نظراء وأمثالا تشبهونهم به وتشركونهم معه في العبادة وهم خلق مثلكم لا يملكون لأنفسكم نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. Donc le cheikh il dit, donc ne prenez pas des égaux avec Allah subhanahu wa ta'ala dans l'adoration. Ça c'est une interdiction de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala pour nous de faire le shirk après un ordre ou le commandement de d'établir le tawhid et de n'adorer que Allah subhanahu wa ta'ala. Et les égaux, c'est le mot andad, c'est le pluriel du mot nid. Et en arabe, le mot nid, ça veut dire al-mathil, al-shabih, al-nazir. Hein, ça, c'est des synonymes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire le, quelque chose qui est pareil, ou quelque chose qui ressemble, ou quelque chose qui est, disons, l'opposé. Hein, c'est-à-dire, comme parfois les gens qui pensent que Dieu a un opposé à lui. Hein, donc, des exemples comme ça. L'égal, mais contraire. Hein, le contraire. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, il n'a pas de nid. Il n'a pas de nid. Alors ne faites pas, ne donnez pas à Allah des andad. D'accord? Des égaux. Et donc, le cheikh dit, ne donnez pas à Allah subhanahu wa ta'ala des égaux ou des ressemblances. Hein, vous leur donnez une part de l'adoration en faisant d'eux des partenaires avec Allah subhanahu wa ta'ala dans l'adoration. Alors que ce sont des créatures comme vous qui ne possèdent rien, ni pour eux-mêmes, ni pour les autres. Ils ne possèdent pas la capacité de vous faire du bien, ou de vous faire du mal, ou de vous faire mourir, ou de vous faire vivre, ou de vous faire ressusciter. Donc, ne les adorez pas parce qu'ils ne méritent pas d'être adorés. Wa antum ta'lamun annahu la nidda lahu subhanahu wa ta'ala. Wa ta'lamun anna ahadan lam yusharik Allah fi khalqih wa la fi tadbirih. Regardez, subhanallah, les hommes qui sont égarés dans le monde maintenant, en adorant d'autres que Allah subhanahu wa ta'ala, parmi les chrétiens, parmi les juifs, parmi les bouddhistes, parmi les hindous, parmi les athées, parmi les gens qui suivent leur passion. Vous essayez de leur expliquer, écoutez, il y a un créateur, c'est lui seul qui mérite d'être adoré, yani, subhanallah, et puis ils s'aveuglent, ils ne veulent pas entendre, et ils continuent à adorer les idoles et de mettre des andad avec Allah subhanahu wa ta'ala, alors que le message il est clair et le principe il est simple, mais eux ils veulent compliquer les choses. Donc il faut leur rappeler et il faut leur expliquer ces choses là et quelqu'un qui est sincère il l'accepte. Hein, le cheikh il dit yani, vous savez qu'il n'a pas de nid, vous savez qu'il n'a pas d'ego ou de partenaire ou de ressemblance ou de quoi que ce soit, yani, qui mérite d'être adoré avec lui ou en dehors de lui. Et vous savez que personne ne partage quoi que ce soit dans la création avec Allah subhanahu wa ta'ala, ni dans la façon comment il contrôle le monde. Alors puisque vous savez que rien et personne ne contrôle quoi que ce soit dans l'univers en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala, et que personne ne peut créer sauf Allah subhanahu wa ta'ala, alors pourquoi, après avoir compris ça et après que vous ayez su cette chose-là, vous allez adorer d'autres que lui? Hein? Ça, c'est pas logique. أقام سبحانه وتعالى الدليل في هاتين الآيتين بعدة أمور: خلقه لهم وجعله الأرض فراشا والسماء بناء وإنزال المطر وإخراج الثمرات، كلها أدلة عقلية واضحة وهم يعترفون بها، فهذا من إلزامهم بالحجة على التوحيد وإبطال الشرك الذي هو عليه، الشرك الذي هم عليه، وبيان أنه لا برهان له ولا دليل عليه، وإنما الدليل والبرهان على وجوب عبادة الله سبحانه وتعالى. ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. ونزعنا من كل أمة شهيدا فقلنا هاتوا برهانكم فعلموا أن الحق لله لا برهان لهم على الشرك. Donc le cheikh dit, Allah a établi contre eux dans ces deux versets-là la preuve du tawhid. Premièrement, en disant qu'il les a créés. Deuxièmement, qu'il a fait pour eux la terre comme un tapis. Troisièmement, le ciel comme un toit sur leur tête. Il a fait descendre la pluie pour eux. Il a fait sortir les fruits. Tout ça, ce sont des preuves rationnelles, logiques, que tout le monde peut comprendre, qui montrent clairement qu'ils doivent les reconnaître, qu'ils doivent accepter que c'est Dieu leur créateur et que c'est lui qui mérite d'être adoré. Et donc ça c'est pour les forcer à accepter la preuve qui montre la véracité du tawhid et de détruire le shirk sur lequel ils se tiennent et de clarifier qu'ils n'ont pas de preuve pour qu'est-ce qu'ils font comme shirk. Et la preuve est uniquement, l'évidence est uniquement dans l'obligation d'adorer Allah seul. Comme le Cheikh il mentionne le verset 117 dans Surat al-Mu'minun, et quiconque invoque avec Allah d'autres divinités au sujet desquelles il n'y a aucune preuve, hein, alors son jugement sera auprès de son Seigneur et Allah ne donne pas le succès aux non-croyants, aux kafirun. Et il mentionne le verset 111 dans Surat al-Baqarah, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ. Ramenez votre preuve si vous dites la vérité. Et maintenant aujourd'hui vous avez des gens, parmi les gens qui se disent musulmans, qui vous appellent à adorer des morts, à adorer des saints, à adorer des tombes, et qui essaient de disputer avec vous sur ces choses-là, et qui essaient de vous dire que si vous ne voulez pas adorer ces êtres-là en dehors d'Allah, vous êtes des koufars. Parce que vous voulez pas adorer, les idoles et les saints et les tombes. Et que si vous adorez Allah seul, vous êtes des koufars. Mais si vous associez avec Allah, là vous êtes correct. A'udhu billah. Hein? Et ça, il y a plein de versets qui réfutent ces gens-là dans le Coran. وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِنْ دُونِهِ إِذَا هُمْ يعني يستبشرون وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. Donc ça veut dire que lorsqu'on mentionne Allah seul, tu vois le dégoût et le dédain dans le visage de ceux qui ne croient pas en l'au-delà. Ils n'aiment pas ça quand tu dis adorer Allah seul, hein? Mais si tu mentionnes d'autres avec lui, là tout d'un coup ils se réjouissent et ils sont contents, hein? Donc le cheikh dit قُلْ هَدُوا بُرْهَنَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ. Présentez votre preuve si vous dites la vérité. Il n'y a pas de preuve. Il n'y a pas de preuve pour vous. Et le cheikh il mentionne le verset 84 dans Surat al-Nahl qui dit « Et on a fait sortir de chaque nation un témoin et on va leur dire « Ramenez votre preuve » et ce jour-là, ils sauront que la vérité appartient à Allah seul. Hein? Parce qu'ils n'ont pas de preuve pour le shirk qu'ils faisaient. Hein? Qu'est-ce qu'ils vont donner comme preuve à Allah subhanahu wa ta'ala pour supporter le shirk? Hein? Imaginez, de quoi ils vont avoir l'air ces gens-là au jugement dernier, quand Allah va leur dire, amenez votre preuve pour le shirk que vous faisiez. Quelle preuve ils vont ramener? Ils n'auront pas de preuve. Parce qu'ils adoraient ce qui n'a aucun pouvoir, ce qui ne peut rien créer. Comme les hindous qui adorent les vaches, qui adorent les rats, qui adorent les singes, qui adorent les statues, qui adorent les idoles. Qu'est-ce qu'ils vont donner comme preuve, hein, à Allah subhanahu wa ta'ala, qu'ils adoraient autre que leur créateur? Il n'y a pas de preuve. Le cheikh il dit, abadan wa innama al-burhan al-qati'a hiya ala tawhidillah subhanahu wa ta'ala wa ifraduhu bil-ibada wa دل ذلك على أن القرار بالتوحيد الربوبية لا يكفي، فالذين يقولون بأن التوحيد هو الإقرار بأن الله هو الخالق الرازق المحيي المميت، هؤلاء مخطئون لم يعرفوا التوحيد، لأن هذا لو كان توحيدا كافيا لكان المشركون موحدين، لأن الله أخبر بأنهم يعلمون أن الله هو الخالق الرازق الذي ينزل المطر والذي فعل هذه الأفعال يعلمون هذا ولم يكونوا موحدين بل أمرهم بعبادته فقال اعبدوا ربكم فدل على أن علمهم بهذه الأشياء لا يكفي حتى يفردوا الله بالعبادة سبحانه وتعالى. إذن فالتوحيد هو إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة وليس التوحيد هو الإقرار بتوحيد الربوبية كما يقوله علماء الكلام الذين لم يفهموا التوحيد بل جعلوا كل همهم ومناظراتهم واستدلالهم على توحيد الربوبية وهذا تحصيل حاصل وموجود عند أبي لهب وأبي جهل وغيرهما فهم يقرون بأن الله سبحانه وتعالى هو الخالق الرازق المحيي المميت. Donc le cheikh ici là, il est en train de blaster les les gens qui sont en train d'adorer d'autres que Allah subhanahu wa ta'ala, ou bien parmi les gens de Bid'a qui disent que, il dit par exemple, regardez, vous ne voyez pas aucune preuve pour le shirk. Toutes les preuves qui sont des preuves tranchantes, qui sont des preuves de vérité, c'est des preuves qui établissent que seul Allah mérite d'être adoré et qu'il faut adorer que lui. Et le cheikh il dit ودل ذلك على ان الاقرار بتوحيد الربوبيه لا يكفي. C'est pas suffisant pour quelqu'un de dire je crois que Dieu c'est le seul créateur, c'est lui qui fait vivre, qui fait mourir, qui a tout créé. Si tu dis ça et tu crois que c'est ça être un musulman, ça veut dire que tu n'as rien compris à l'islam. Hein? C'est pas juste de dire il y a un seul Dieu et c'est lui qui a tout créé. Si tu crois ça, si tu dis ça, c'est pas suffisant pour être un musulman. Il faut comprendre que pour être un musulman, il faut non seulement dire que c'est Dieu seul qui a tout créé, mais en plus il faut quitter et abandonner et rejeter le shirk et tout ce qui est adoré en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. D'accord? Et non pas, tu dis, oui, il y a un seul Dieu, il y a un seul créateur, mais tu prends des intermédiaires et des intercesseurs entre toi et Allah quand tu pries, quand tu adores, quand tu fais tes adorations, quand tu fais tes du'as, tu invoques un saint ou un wali, ou des choses de ce genre. Et donc, il dit, ceux qui croient ça, ceux qui croient que le seul créateur c'est Allah, le seul pourvoyeur c'est Allah, le seul qui fait vivre et mourir c'est Allah, le seul qui contrôle l'univers c'est Allah, et qui pensent que c'est ça le tawhid seulement, ceux-là, ils n'ont pas connu le tawhid, ils n'ont pas compris le tawhid. Parce que si c'était suffisant de dire ça, alors les mouchriquoun, au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, auraient été considérés comme étant sur le tawhid. Ils auraient eux aussi été considérés comme des musulmans. Mais Allah ne les a pas considérés comme étant des musulmans, malgré qu'ils disaient que seul Allah est le créateur et le pourvoyeur, et que c'est lui qui fait descendre la pluie, et c'est lui qui fait tout ce qui existe dans l'univers, c'est lui qui l'a créé. Ça, c'était pas suffisant. يعلمون هذا ولم يكونوا موحدين. C'était pas des monothéistes, c'était pas des gens qui étaient sur le tawhid, malgré qu'ils savaient ces choses-là et qu'ils y croyaient. Allah, malgré tout ça, les a ordonnés d'adorer Dieu seul. Et donc ça, c'est la preuve, que c'est pas suffisant de juste dire il y a un seul créateur. Il faut, pour qu'ils soient vraiment des monothéistes, qu'ils aient rendu leur culte uniquement pour Allah subhanahu wa ta'ala. C'est comme les chrétiens qui disent qu'ils croient en Dieu unique. Puis quand ils prient à Jésus, ils prient à Marie, ils prient à Saint Joseph, Saint Jacques, Saint je sais pas quoi encore, et il y en a des centaines comme ça. Et chez des musulmans qui disent qu'ils sont des gens qui sont musulmans, qui disent la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, et puis qui adorent un tel saint dans tel endroit, à tel endroit dans sa tombe, ils vont lui demander des faveurs, de l'aide, des guérisons, de l'argent, des enfants, des trucs de ce genre. Eh ben c'est ça, ils n'ont pas rendu leur adoration exclusivement pour Allah, donc ils n'ont pas compris, ils n'ont pas établi le tawhid, et ils n'ont pas purifié leur tawhid, donc ils sont sur le shirk, ils sont pas sur le tawhid. Et le shirk, il dit que ceux qui disent qu'il faut juste adorer, ceux qui disent qu'il faut juste reconnaître que Dieu est un seul Dieu et qu'il est le seul créateur, ces gens-là, c'est les gens de Bid'a parmi les gens de Kalam. Ulama al-Kalam. C'est qui Ulama al-Kalam? Al-Kalam, c'est ceux qui utilisent la raison, soi-disant la raison. Mais en fait, ce sont les philosophes, les gens qui utilisent la philosophie grecque et les trucs de ce genre pour essayer de baser leur foi là-dessus. Et qu'est-ce qu'ils font en fait? La seule chose qu'ils discutent, quand tu lis des livres écrits par ces gens-là, comme les Asha'ira aujourd'hui, les gens de la secte des Asha'ira, tu vas voir, parfois même il y a des livres qui sont distribués pour les convertis, ou bien pour les gens qui ne sont pas musulmans, on leur donne des petits livres pour leur faire comprendre l'islam. Eh ben, tu vois dans ces livres-là au début, quand ils parlent de la foi en Dieu, il parle juste du fait qu'il y a un seul créateur et que c'est lui qui a créé les cieux et la terre et c'est lui. Et là, ils vont mentionner des preuves que Dieu existe et des preuves que Dieu est un Dieu unique. Et ça se limite à ce qu'on appelle tawhid al-rububiyya, c'est-à-dire le tawhid dans la souveraineté, que Allah est le maître de tout et qu'il a tout créé. Et donc le cheikh il dit tout leur débat dans leur livre et les preuves qu'ils essaient d'établir, c'est pour essayer de prouver que Allah a al-rububiyya, que c'est lui qui est al-rab. Et il dit hadha tahsil hasil. C'est comme si tu essaies d'amener quelque chose qui est déjà là. Ça dit tout le monde est d'accord là-dessus. Les idolâtres qui adorent les idoles, ils savent déjà ça. Donc c'est comme si tu es en train de faire tous tes efforts, toute ton énergie, tous tes débats. Tu vas disputer pendant des jours et des jours, des semaines et des mois et des années pour essayer de prouver quelque chose alors que ce que tu as déjà prouvé. Hein? Alors c'est comme si tu perds ton temps. Hein? Tu es en train de gaspiller ton temps parce que c'est déjà là. Le cheikh il dit même Abu Lahab et Abu Jahl, ils avaient déjà ça, ils croyaient déjà en ça, et toi tu es en train d'essayer de leur prouver quelque chose de ce genre. Allez. Donc si vous pensez que c'est juste ça le tawhid, alors vous n'avez rien compris au tawhid. Allah musta'an. Je sais de quoi tu parles, les petits pamphlets qu'ils distribuent. Et souvent, dans ces pamphlets-là, malheureusement, il y a des choses qui sont incorrectes aussi, qui sont présentées à des non-musulmans comme ça. Voilà, les choses exactement. Les trucs sur la démocratie, les trucs sur, même dans certains des pamphlets, il y avait d'autres erreurs, je me souviens. Mais ça fait longtemps que je les ai pas vus, donc, je me souviens. Ouais, c'est parce qu'il y a beaucoup, il y a beaucoup, s'il y a beaucoup de, c'est pas ma question, mais en tout cas, c'est Wami, je pense, en tout cas. Il y en a de différentes. Mais il y a beaucoup d'Ikhwan qui se sont infiltrés en Arabie Saoudite. À l'époque, il y avait beaucoup d'Ikhwan. Et eux, ils en ont profité justement pour répandre beaucoup de ces idées-là. Il y a des livres aussi qui sont publiés au Koweït ou dans d'autres pays du Golfe, et c'est tous des Ikhwan qui sont derrière ces fondations-là, et ces groupes-là, comme IFSO et Triple IT, des groupes de modernistes, de rationalistes. En tout cas, ces gens-là, ils distribuent des livres comme ça, ils parlent uniquement Tawhid al-Rububiyya. Ils expliquent jamais le plus important, c'est Tawhid al-Ibadah. Et Tawhid al-Asma al-Sifat, ils n'en parlent pas non plus parce qu'ils nient des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc nous, on va s'arrêter là pour maintenant, Inch'Allah. Et puis demain, on continuera avec les autres citations, des explications, comme par exemple la parole de Abdullah ibn Abbas et des autres parmi les explications des tabi'in. Donc on s'arrête ici. Subhanahu wa ta'ala wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayhi.